2. Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps, et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige. Le soir tombait, et le long des façades, les vitres s'éclairaient l'une après l'autre. Des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres. Un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques scintillantes de givre étalaient des arabesques, légères comme des dentelles, sur lesquelles dansait l'ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles et des nattes en paille qui pendaient à l'étalage. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leurs tiroirs, et les chalands tapaient leurs sabots à terre pour se réchauffer, en attendant leur tour d'être servis. La vitrine du marchand de vin était une vraie merveille. Le malin compère avait rangé l'une à côté de l'autre, sur les planches, toute une armée de bouteilles, renfermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes et violettes, que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs. Et sur le trottoir, la neige se colorait de feu qui reflétait la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons enguirlandés de fleurs en papier d'or, et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d'un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche. L'enfant poussa la porte qui se mit à carillonner, et du doigt montra le foie. « Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ? » lui dit le marchand. « Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer. » Et en même temps, il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index, pour donner plus de poids à ses paroles. L'enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prît avant de l'avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha. Puis le petit mendiant ôta sa main de dessus le sou et s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand faim. Il mordait dans la tranche à belles dents, et en un instant il n'en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il avait encore ses autres sous, et continua son chemin. Le pâtissier avait imaginé pour la Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leur dos brun piqué de raisin, laissant sortir par place la miche dorée. Et une pièce montée, superbe, avait la forme d'une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pudding, étageait trois rangs de galeries circulaires. En haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l'orteil du pied gauche, haussait en l'air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s'envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle deux cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout à côté d'hommes en spikélaos et en biscuits qui avaient l'air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucre de couleur, de caramel. Mais la plus belle chose était certainement la tour aux trois étages, à cause de sa hauteur et de ses fruits. Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ces merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe, tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement, il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures. Le pâtissier s'aperçoit tout à coup qu'il y a quelqu'un derrière sa vitrine, et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors, mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelaos, des kramiks de fine farine, des couques en forme d'oiseaux, avec des plumes et des drapeaux. Et l'enfant s'arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d'en manger. Il n'a pris depuis le matin pour toute nourriture qu'un petit pain de deux sous et une tranche de foie. À la fin, il se décide, pousse la porte vitrée du maître Mitron, montre du doigt les bons hommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l'avertissant ainsi qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir. La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre « Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?» Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée. « Comme c'est bon, du pain !» Il l'avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins. 3. Constamment la sonnette des marchands carillonne ces drelins-drelins, car de riches et pauvres vont à la boutique ce soir-là pour acheter les cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, les mains pelotonnées dans leur tablier, à cause de la bise qui rougit le nez et les doigts. Et l'une tient dans les bras une cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux œufs. L'autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi, chargés de provisions, et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron. De vieilles femmes, enveloppées de manteaux et le capuchon sur les yeux, sortent de l'église en marmottant entre leurs dents qui claquent de froid. Il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise. Le petit musicien voit briller dans la noire église les hautes fenêtres en forme de trèfle. La porte étant restée ouverte, un flot de lumière se répand sur le parvis, jusqu'à ses pieds, avec une tiède odeur d'encens. Il pénètre sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges et se dirige vers le poêle où se meurt un petit feu de houille. Il tend avidement ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante. Il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle. Et une douce action de grâce s'élève de son cœur pour remercier le Sauveur qui, aux approches de la grande nuit de Noël, lui donne du feu pour se réchauffer. L'église est silencieuse. On n'entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises sur les dalles bleues, le pas du sacristain dans le chœur et le claquement des sabots lorsque les vieilles femmes, en manteaux noirs, se dirigent du côté du bénitier afin d'y tremper leurs doigts avant de sortir. Et de temps à autre, une d'entre elles s'arrête près du poêle et ouvre au feu ses petites mains sèches en regardant de côté avec défiance le jeune vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur. Sa tête retombe sur sa poitrine. Il s'affaisse dans son vieux manteau troué dont il s'est fait un oreiller. Une voix irritée éclate tout à coup à son oreille. C'est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s'en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé dans les vieilles bandelettes de cuir qui retiennent ses souliers à ses jambes. Il ouvre la porte et la bise glacée le frappe de nouveau au visage. Alors le jeune garçon se parle ainsi à lui-même. « Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne ? Tu avais une mère à la montagne et tu l'as quittée. Où sont les autres, ceux qui m'ont précédé dans mon tour du monde ? Paolo est mort dans la campagne, pendant qu'il faisait chaud encore et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo. Un jour, quand il gèle et qu'on n'a plus la force de marcher, on regarde derrière soi. Et l'on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C'est alors, mon Francesco, que le chemin paraît long, et l'on se dit qu'on n'arrivera jamais. J'ai perdu en chemin Paolo, et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de 2 ans. Et les autres m'ont quitté en me disant « Bon voyage !» Bupo était le plus grand, mais il toussait. Que sera-t-il arrivé de lui et des autres ? Bonjour, Bupo, Paolo, Pietro et les autres. Ce sera tantôt la nuit de Noël. Il y a fête dans le ciel, et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans, à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons. Et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou des petites pièces de monnaie, tout le long du chemin. Naples, Naples, et tout le long du chemin, il y avait des crèches, avec l'âne, les mages et notre sauveur, devant lesquels ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Chez les hommes d'ici, il n'y a point de crèche, et les mains ne jettent que du cuivre rouge. Ma mère me disait, « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles, et je te vois partir avec douleur. Mais on est riche où tu vas. Voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi. Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis, elle m'a donné ce violon. Et elle est venue avec les autres mères jusqu'aux montagnes, qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite, elles sont restées, les bras tendus. Et quand le soir est venu, nous avons joué de la cornemuse et du violon, afin qu'elles puissent encore nous entendre. Et maintenant, je reviens, mais plus pauvre que lorsque je suis parti, car je n'ai plus d'espérance. » En ce moment, il entendit à quelques pas de lui 3 petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison, et l'un d'eux tenait au bout d'un bâton une lanterne où brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne, en sabots, avec des écharpes sur la tête, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur. Le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces. Le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler, car son nez coulait. Et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l'un, tantôt l'autre disait « Plus fort !» pendant que celui qui avait le nez à la serrure tapait de petits coups du bout de son sabot contre la porte. Alors, ils se mettaient à crier tous les 3 comme des diables. Et leur chanson était à l'unisson. Mais l'un avait déjà fini quand l'autre commençait. Et le dernier courait toujours après le premier, sans pouvoir l'atteindre. La petite chandelle tremblante éclairait leur nez rouge et faisait danser leur ombre derrière eux jusqu'au bout de la rue. Et eux-mêmes dansaient à la dernière note de la chanson en sautant et en retombant sur le plat de leurs sabots, sans rire. Et voici ce que disait leur chanson. « Noël, ils sont venus, les petits !» Les petits et les plus petits encore. Dire bonjour à l'âne du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a du foin et des navets cuits, des carottes et du pain béni. Mangez les gens, les bêtes aussi, coq-backen et pain cuit. Noël, Noël ! Amen ! Noël ! Bas ! Dirent les rois. Du foin pour nos trois chevaux, mais pour nous des coq-et-bakken. Lesquels nos dents couperont ? S'il en reste un tout petit morceau, mettez de côté pour les cochons. Mangez les gens, les bêtes aussi. Coq-et-bakken et pain cuit. Noël, Noël, amen. Pour chandelle, une petite étoile. Montre-la où dort notre Seigneur, dans son maillot cousu de fil blanc. Sur la paille qui est dans la crèche, il dort le joli petit mouton, Blokkekloppen. S'il s'éveille, c'est pour mourir. Mangez les gens, les bêtes aussi, Coq-et-bakken et pain cuit. Noël, Noël, amen. Car il mourra pour nous sauver de l'enfer. Jésus-Christ, le Fils de notre chère dame. Les petits et les plus petits encore auront le kramik et du beurre en paradis, avec de la bonne musique de violon. Mangez les gens, les bêtes aussi, Coq-et-bakken et pain cuit. Noël, Noël, amen. Oh, Baas, si vous êtes content des petits-enfants, donnez-leur par amour des Christus, de l'argent pour acheter des cooks, avec des prienges dessus. Blokkekloppen, nous ôterons nos sabots pour y faire coucher le chat. Mangez les gens, les bêtes aussi, Coq-et-bakken et pain cuit. Noël, Noël, amen. Les trois petits garçons allaient recommencer pour la troisième fois leur complainte quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d'eux. C'était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait, et du pied il battait la mesure pour tâcher d'être d'accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter, et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant « Nous ne voulons partager notre argent avec personne !» Ainsi chassé, il s'en va de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques. Mais l'archet glisse à peine sur les cordes, car les crins en sont gelés. Où passera-t-il la nuit ? Au fond d'une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Il revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de l'Enge. Voici en effet la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne, sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lion, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de Capelle et compagnie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a trois, au premier étage, qui sont éclairées. Qui donc est encore éveillé dans la maison ? Les sons d'un piano, comme une musique de paradis, s'échappent par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait. Les chants des petits-enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses, tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël au fond de son cœur. Des portes s'ouvrent dans la rue, et il en sort des ombres qui marchent rapidement. Quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Capelle et compagnie s'ouvre aussi, et une joyeuse lumière se répand au dehors. Des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir. Puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme, et les fenêtres où brillait l'éclat des lampes, une à une, s'obscurcissent. Ah ! Monsieur Capelle a voulu fêter le réveillon, il a bien fait les choses. On a bu du thé, du vin chaud et du punch. La table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes, dans lesquelles le couteau a taillé de grandes brèches. Mina déshabille Lenge et la couche dans des draps chauds après l'avoir embrassée. Et au moment de s'endormir, Lenge tourne la tête du côté de son arbre de Noël, qu'elle a fait monter dans la chambre, avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrage et les cornets de dragée. Alors, la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Lenge, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour, et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Capel.